words of Merlin's time, and keep the watch along the borderline, and to adhere the legends passed in song and rhyme upon the shepherd pipes of Merlin's time. 2008 avec Texar, on sort inconcevable. Une réussite, c'est le constat. On fait du son, les constables. 18 titres et notre vision du monde, on fait nos excuses. On mixera sans plugin, ma voix aiguë, ce n'est que le début. Je crois que ça schéma, ça tourne même jusqu'à Saint-Naz. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je traîne pas plus loin que Saint-Marc. Je vais rendre à Texar ce qui est à César, frère. Si aujourd'hui je démarre, c'est qu'inconscient, c'était le starter. En 2009, avec David et né de K.O. Mike, j'aurais dû faire plus de tonus. Là, je me dis que c'est dommage. Avec Elle ou Nico, le duo, c'est le groupe G. Avec JS et Night. Merli, t'es eu le goût de vrai. J'arrive de l'Est et je fonçais comme la vodka de Pologne. Avec une vision dark que seul le colal colore. Souvent absent, bah oui, j'ai le blues et ça me perturbe. Dalla, il se rachera alors plus de 3x12 mesures d'amertume. Tout ne serait pas si mal si tout n'était pas si naze. Mais la qualité est en moi et c'est le principal. Pour mes erreurs, je peux être coupable, je vais pas rejeter la faute. Le destin, la fatalité, m'en laisse à d'autres. Tout ne serait pas si mal si tout n'était pas si naze. Mais la qualité est en moi et c'est le principal. Pour mes erreurs, je peux être coupable. Je vais pas rejeter la faute. Le destin, la fatalité m'en laisse à dos. J'arrive de l'Est et dans ma bouche il y a bien trop de sang. Origine polonaise avec un mental yougoslave. De K.O. Mike et K.L. Rom inexplicable. J'en ai ma confiance sans doute par peur qu'on en profite. J'cape l'homme depuis l'enfance et des fois pour un rien j'cogite. Car j'ai l'épée sur terre et j'sais bien qu'il y a pas de fait ici. Y a pas de Final Fantasy, mais où est la grande équipe? La sauce est trage à l'aise, à chaque rime que j'exécute. Mon cœur bat pour le son, jamais j'n'hésiterai entre ex et pute. J'retiens de cette rime juste qu'il ne faut jamais dire jamais. L'eau a coulé sur mes joues, aujourd'hui je n'hésite plus. C'est la vie qui veut ça, on le dira fuite un P2F. Avec Texar DAF, ouais on a appelé de l'aide. Ce monde est pourri donc je paye avec de l'argent sale. Je camoufle mes peurs, dissipe mes doutes sous du Valentine's. On garde les bons moments, sinon on simule Alzheimer. On profite des proches avant adieu au lieu d'être à l'heure. Ici les rires laissent place aux larmes comme l'été à l'hiver. Tant pis, on sera des stars comme Johnny Hallyday. Tout ne serait pas si mal si tout n'était pas si naze. Mais la qualité est en moi et c'est le principal. Pour mes erreurs, je peux être coupable, je vais pas rejeter la faute. Le destin, la fatalité m'en laisse à d'autres. Tout ne serait pas si mal si tout n'était pas si naze. Mais la qualité est en moi et c'est le principal. The stony roads of Merlin's time, and keep the watch along the borderline, and to adhere the legends passed in song and rhyme upon the shepherd pipes.